Moi les plus gars ton frère, l'éternelle conquête sur respect va déposer son cul dans un fauteuil roulant. Je te porte à croire qu'on va jamais vraiment s'entendre mon frère, jusqu'à ce que des grosses droites nous séparent. Je te vois d'ici traverser le couloir de la baraque, le t-shirt plein de sang, en esquivant que la daronne te serre. Je t'ai fait gommer par la patte à la Rodney King ou tes ennemis. Sous la pluie, la force du nombre t'a fait défaut. Vu qu'on est tous des spermatozoïdes sur la plus haute marche du podium, on va se rouler par terre. C'est pas le panier, tu dois envoyer l'action du médecin légiste. Plus d'un tête, finis son corps à corps. Les DVD de K1 sont les bienvenus. Quand l'ennemi a pas de noir, mémorise comment dégager des clés de bras. Échange verbaux musclés, pétage de câble à ton métier. Pour écarter du sang-froid et du calme. On va te mettre en position latérale de sécurité pour pas que t'avales ta langue. Clavicule fuck, tu mets faction, stupéfaction. On prend les mêmes murs, on commence. Si tu suis le nombre de cassages de bouche qui est à cette heure-ci dans le globe, tu t'immoles. On a même mis des front kicks à Jésus avant de le casser, c'est mort. Tu me suis toujours ou quoi? J'ouvre les portes de l'intégrité physique bafouée par les mésentends. T'es pas en sécu maintenant. Ministre de la DEF met des outils. Elle sera incapable de recharger un grenade. Ceux qui parlent de niquer ta rhum, ils savent que la revanche c'est une juste application des peines fiables. Après tout, ça a été les balayettes d'un daron que l'évolution professionnelle illusoire a rendu agressif. Tu vois ce que je veux dire? On a été comme des petits cyborgs en fait. Prise d'information, reproduction, manchette, tête plongeant, hémorragie nasale. Ils vont jamais te les donner, les ceintures à mon mec. Passage à tabac est une stupidité indispensable. Dans nos modes de vie et de fréquentation, ils étaient 6 mai, se laissent plus faire. Ils ont trouvé des morceaux de poulet entre les chicots, Junis Barber. Un homme averti en vaut deux, y'a pas de cellule psychologique pour gérer une mise à la main. C'est la société de consommation jusqu'au bout. Les gars s'en mangent, aiment cette vie. Polémique, vert de rage, un chanteur voit rouge après un rail de planche. Un noir désire incarcéré. Les mains sont faites pour taffer. Nous on s'en sert pour taper. Pour des imitations foireuses de chaque rage. Nous a pas fait quoi en force ni en poids. Heureusement y'a des couteaux de cuisine pour les petits gabarits comme moi. Un coup de klaxon mal perçu, un coup de frein à main, circulation perturbée pour la civilité à 100 mètres. Oh, tu fais quoi? Range-le ton gun. Je parle juste des coups, les réglages au parabellum, on verra après. Un coup de pression efficace choisira 30% de la capacité de réaction de l'adversaire. Et puis les violences conjugales feront acte de présence. Tant qu'il y aura des femmes avec des bouches plus grandes que des sorties de métro, y'a des phrases qui font plus mal que des coups. Tu m'en as tête, fais-toi pas fumer. C'est tellement rare qu'un cassos qui va te filmer. On te met dans un coffre, prépare-toi à protéger ta tête, on dit. Quand le viol est inévitable, tais-toi et jouis. Tire jamais sur une ambulance, ma queue. Tiens, tiens. Affrontement stérile. Dommage corporel. La loi du talion pèse l'orgueil sur la place publique. C'est pas la mise en pratique d'une citation publique. Tant que tu seras pas une baltringue, tu feras pas un long feu dans la désapprobation. Tire-le. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tire-le. Qu'est-ce qu'il y a? Tire-le.